œuvre complète de Lamartine publiée inédite, tome 7e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43, 1861. Géricault, suite. 2 novembre 1832, campé auprès de la piscine de Salomon, sous les murs de Jérusalem. Nous voulions consacrer une journée à la prière dans ce lieu vers lequel tous les chrétiens se tournent en priant, comme les mahométans se tournent vers la Mecque. Nous engageâmes le religieux qui seul faisait les fonctions de curé à Jérusalem à célébrer pour nos parents vivants et morts, pour nos amis de tous les temps et de tous les lieux, pour nous-mêmes enfin, la commémoration du grand et douloureux sacrifice qui avait arrosé cette terre du sang du juste, pour y faire germer la charité et l'espérance. Nous y assistâmes tous dans les sentiments que nos souvenirs, nos douleurs, nos pertes, nos désirs et nos mesures diverses de piété et de croyance nous inspiraient à chacun. Nous choisîmes pour temple et pour autel la grotte de Gethsémani, dans le creux de la vallée de Josaphat. C'est dans cette caverne du pied du mont des Olives que le Christ se retirait, suivant les traditions, pour échapper quelquefois à la persécution de ses ennemis et à l'importunité de ses disciples. C'est là qu'il s'entretenait avec ses pensées célestes, et qu'il demandait à son Père que le calice trop amer qu'il avait rempli lui-même, comme nous remplissons tous le nôtre, passa loin de ses lèvres. C'est là qu'il dit à ses trois amis, la veille de sa mort, de rester à l'écart et de ne pas s'endormir, et qu'il fut obligé de les réveiller 3 fois. Tant le zèle de la charité humaine est prompt à s'assoupir, c'est là enfin qu'il passa 16 heures terribles de l'agonie, lutte ineffable entre la vie et la mort, entre la volonté divine et l'instinct humain, entre l'âme et la matière. C'est là qu'il sua le sang et l'eau, et que, las de combattre avec lui-même sans que la victoire de l'intelligence donnât la paix à ses pensées, il dit ses paroles finales, ces paroles qui résument tout l'homme et tout le Dieu, ces paroles qui sont devenues la sagesse de tous les sages, et qui devraient être l'épitaphe de toutes les vies, et l'inscription unique de toutes les choses créées. Mon Père, que votre volonté soit faite, et non la mienne. Le site de cette grotte, creusé dans le rocher du Cédron, est un des sites les plus probables et les mieux justifiés par l'aspect des lieux, de tous ceux que la pieuse crédulité populaire a assignés à chacune des scènes du drame évangélique. C'est bien là la vallée assise à l'ombre de la mort, l'abîme caché sous les murs de la ville, le creux le plus profond et vraisemblablement alors le plus fuit des hommes, où le Christ, qui devait avoir tous les hommes pour ennemis parce qu'il venait attaquer tous leurs mensonges, dut chercher quelquefois un abri et se recueillir en lui-même pour méditer, pour prier et pour souffrir. Le torrent impur de Cédron coule à quelques pas. Ce n'était alors qu'un égout de Jérusalem. La colline des Oliviers s'y replie pour se joindre avec les collines qui portent le tombeau des rois, et forme là comme un coude enfoncé, où des masses d'oliviers, de térébintes et de figuiers, et ces arbres fruitiers que le pauvre peuple cultive toujours, dans la poussière même du rocher, aux alentours d'une grande ville, devaient cacher l'entrée de la grotte. De plus, ce site ne fut pas remué et rendu méconnaissable par les ruines qui ensevelirent Jérusalem. Des disciples qui avaient veillé et prié avec le Christ purent revenir, et dire, en marquant le rocher et les arbres, c'était là. Une vallée ne s'efface pas comme une rue, et le moindre rocher dure plus que le plus magnifique des temples. La grotte de Gethsémani et le rocher qui la couvre sont entourés maintenant des murs d'une petite chapelle fermée à clé, et dont la clé reste entre les mains des religieux latins de Jérusalem. Cette grotte et les 7 oliviers du champ voisin leur appartiennent. La porte, taillée dans le roc, ouvre sur la cour d'un autre pieux sanctuaire que l'on appelle le tombeau de la Vierge. Celle-ci appartient aux Grecs. La grotte est profonde et haute, est divisée en deux cavités qui communiquent par une espèce de portique souterrain. Il y a plusieurs autels taillés aussi dans la roche vive. On n'a pas défiguré ce sanctuaire, donné par la nature, par autant d'ornements artificiels que tous les autres sanctuaires du Saint-Sépulcre. La voûte, le sol et les parois sont le rocher même, suintant encore, comme des larmes, l'humidité caverneuse de la terre qui l'enveloppe. On a seulement appliqué, au-dessus de chaque autel, une mauvaise représentation, en lame de cuivre peint de couleur chair, et de grandeur naturelle, de la scène de l'agonie du Christ, avec les anges qui lui présentent le calice de la mort. Si l'on arrachait ces mauvaises figures qui détruisent celles que l'imagination pieuse aime à se créer dans l'ombre de cette grotte vide, si on laissait les regards mouillés de larmes monter librement et sans image sensible vers la pensée dont cette nuit est pleine, cette grotte serait la plus intacte et la plus religieuse relique des collines de Sion. Mais il faut que les hommes gâtent toujours un peu tout ce qu'ils touchent. Hélas, s'ils avaient altéré et gâté seulement les pierres et les ruines de ces scènes visibles, mais que n'ont-ils pas fait des doctrines, des exemples de cette religion de raison, de simplicité, d'amour et d'humilité, que le Fils de l'homme leur avait enseigné au prix de son sang? Quand Dieu permet qu'une vérité tombe sur la terre, les hommes commencent par maudire et par lapider celui qui la porte, puis ils s'emparent de cette vérité qu'ils n'ont pu tuer avec lui parce qu'elle est immortelle. C'est sa dépouille, c'est leur héritage. Mais, comme la pierre précieuse que les malfaiteurs enlèvent aux pèlerins célestes, ils l'enchâssent dans tant d'erreurs qu'elle devient méconnaissable, jusqu'à ce que le jour brille de nouveau sur elle, et que, séparant après des siècles le diamant de son entourage, la sagesse dise « Voilà le vrai, voilà le faux, ceci est la vérité, ceci est l'erreur. » Voilà pourquoi toutes les religions ont deux aspects dont l'association étonne les esprits. L'un populaire, légende, superstition, alliage dont les siècles d'ignorance et de ténèbres mêlent éternissent la pensée du ciel. L'autre vrai, philosophique, que l'on découvre en effaçant de la main la rouille humaine, et qui, présentée au jour éternel, qui est la conscience, la réfléchit pure, et éclaire toute chose et toute intelligence de cette lumière de vérité et d'amour au fond de laquelle on voit et l'on aime l'être évident, Dieu. Même date, il reste, non loin de la grotte de Gethsémani, un petit coin de terre ombragé encore par cet olivier, que les traditions populaires assignent comme les mêmes arbres sous lesquels Jésus se coucha et pleura. Ces oliviers, en effet, portent réellement sur leurs troncs et sur leurs immenses racines la date des 18 siècles qui se sont écoulés depuis cette grande nuit. Ces troncs sont énormes, et formés, comme tous ceux des vieux oliviers, d'un grand nombre de tiges qui semblent s'être incorporées à l'arbre sous la même écorce, et forment comme un faisceau de colonnes accouplées. Leurs rameaux sont presque desséchés, mais portent cependant encore quelques olives. Nous cueillîmes celles qui jonchaient le sol sous les arbres. Nous en fîmes tomber quelques-unes avec une pieuse discrétion, et nous en remplîmes nos poches pour les apporter en reliques, de ces terres, à nos amis. Je conçois qu'il est doux pour l'âme chrétienne de prier, en roulant dans ses doigts les noyaux d'olives de ces arbres dont Jésus arrosa et féconda peut-être les racines de ses larmes, quand il pria lui-même, pour la dernière fois, sur la terre. Si ce ne sont pas les mêmes troncs, ce sont probablement les rejetons de ces arbres sacrés, mais rien ne prouve que ce ne soit arbre vide des siècles, Et nulle part je n'en ai trouvé de plus gros, quoique planté dans un sol rocailleux et aride. J'ai bien vu, sur le sommet du Liban, des cèdres que les traditions arabes reportent aux années de Salomon. Il n'y a là rien d'impossible, la nature a donné à certains végétaux plus de durée qu'aux empires. Certains chênes ont vu passer bien des dynasties, et le gland que nous foulons aux pieds, le noyau d'olive que je roule dans mes doigts, la pomme de cèdre que le vent balaie, se reproduiront, fleuriront, et couvriront encore la terre de leur ombre, quand les centaines de générations qui nous suivent auront rendu à la terre cette poignée de poussière qu'elle lui emprunte tour à tour. Ceci n'est pas une marque de mépris de la création pour nous. L'importance relative des êtres ne se mesure pas à la durée, mais à l'intensité de leur existence. Il y a plus de vie dans une heure de pensée, de contemplation, de prière ou d'amour, que dans une existence tout entière d'homme purement physique. Il y a plus de vie dans une pensée qui parcourt le monde et monte au ciel dans un espace de temps inappréciable, dans le millionième d'une seconde, que dans les 18 siècles de végétation des oliviers que je touche, ou dans les 2500 ans des cèdres de Salomon. Même date. Déjeuner. Assis sur les marches de la fontaine de Siloé. Écris quelques vers, déchirez et jetez les lambeaux dans la source. La parole est une arme ébréchée. Les plus beaux vers sont ceux qu'on ne peut pas écrire. Les mots de toute langue sont incomplets, et chaque jour le cœur de l'homme trouve, dans les nuances de ses sentiments, et l'imagination dans les impressions de la nature visible, des choses que la bouche ne peut exprimer, faute de mots. Le cœur et la pensée de l'homme sont un musicien forcé de jouer une musique infinie sur un clavier qui n'a que quelques notes. Il vaut mieux se taire. Le silence est une belle poésie dans certains moments. L'esprit l'entend et Dieu la comprend, c'est assez. Même date. En remontant la vallée de Josaphat, je passe auprès du sépulcre d'Absalom. C'est un bloc de rocher taillé dans le bloc même de la montagne de Siloé, et qui n'est pas détaché du roc primitif qui lui sert de base. Il a environ 30 pieds d'élévation, et 20 de large sur toutes ses faces. Je le dis au hasard, car je ne mesure rien, la toise ne sert qu'à l'architecte. La forme est une basse carrée avec une porte grecque au milieu, corniche corinthienne, porte en pyramide au sommet. Nul caractère romain ni grec. Apparence grave, bizarre, monumentale et neuve, comme les monuments égyptiens. Les Juifs n'eurent pas d'architecture propre. Ils empruntèrent à l'Égypte, à la Grèce, mais, je crois, surtout aux Indes. La clé de tout est aux Indes. La génération des pensées et des armes semble remonter là. Elles ont enfanté la Syrie, la Chaldée, la Mésopotamie, la Syrie, les grandes villes du désert, comme Baalbek, puis l'Égypte, puis les îles, comme Crète et Chypre, puis l'Étrurie, puis Rome, puis la nuit est venue, et le christianisme. Couvé d'abord par la philosophie platonicienne, ensuite par la barbare ignorance du Moyen Âge, a enfanté notre civilisation et nos arts modernes. Nous sommes jeunes, et nous passons à peine l'âge de la virilité. Un monde nouveau dans la pensée, dans les formes sociales et dans les arts, sortira, probablement avant peu de siècles, de la grande ruine du Moyen-Âge à laquelle nous assistons. On sent que le monde moral porte son fruit, dont l'enfantement se fera dans les convulsions et la douleur. La parole écrite est multipliée par la presse, emportant la discussion, la critique et l'examen surtout. en appelant la lumière de toutes les intelligences sur chaque point de fait ou de contestation dans le monde, amène invinciblement l'âge de raison pour l'humanité. La révélation à tous par tous, la réverbération de la lumière divine, qui est raison et religion, par tous les centres de l'humanité. On ferait un beau livre de l'histoire de l'esprit divin dans les différentes phases de l'humanité, de l'histoire de la divinité dans l'homme, où l'on trouverait ce principe religieux agissant d'abord dans les premiers temps connus de l'humanité par les instincts et par les impulsions aveugles, puis chantant par la voix des poètes, mens divinior, l'esprit supérieur, puis se manifestant sur les tables des législateurs, ou dans les initiations mystérieuses des théocraties indiennes, égyptiennes, hébraïques. Lorsque ces formes mythologiques s'évanouissent de l'esprit humain, usé par le temps, épuisé par la crédulité des hommes, on le verrait, disséminé et épars dans les grandes écoles philosophiques de la Grèce et de l'Asie mineure et dans les sectes pythagoriciennes, chercher en vain des symboles universels, jusqu'à ce que le christianisme résume à toute vérité spéculative et contestée en ces deux grandes vérités pratiques et incontestables, adoration d'un Dieu unique, charité et fraternité entre tous les hommes. Même date, un peu au-dessus de la naissance de la vallée du Cédron, au nord de Jérusalem, nous traversâmes quelques champs d'une terre rougeâtre plus fertile, couvert d'un bois d'olivier. À environ 500 pas de la ville, nous nous trouvâmes au bord d'une profonde carrière. Nous y descendîmes. À gauche, un bloc de roche, richement sculpté, s'étendait dans toute la largeur de la carrière, et laissait voir au-dessous une étroite ouverture à demi fermée par la terre et les pierres éboulées. Un homme pouvait à peine s'y glisser en rampant. Nous y pénétrâmes, mais comme nous n'avions ni briquet ni torche, nous ressortîmes aussitôt, et ne visitâmes pas les chambres intérieures. C'étaient les sépulcres des rois. La frise magnifiquement sculptée du plus beau travail grec, qui règne sur le rocher extérieur, assigne à cette décoration des monuments l'époque la plus florissante des arts dans la Grèce. Cependant elle date peut-être de Salomon, car qui peut savoir ce que ce grand prince avait emprunté au génie des Indes ou de l'Égypte? 3 novembre 1832. La peste, qui ravage de plus en plus Jérusalem et les environs, ne nous permet pas d'entrer dans Bethléem, dont le couvent et le sanctuaire sont fermés. Nous montons cependant à cheval dans la soirée, et, après avoir traversé un plateau d'environ 2 lieues qui règne à l'orient de Jérusalem, nous arrivons sur une hauteur à peu de distance de Bethléem, et d'où l'on découvre parfaitement toute cette petite ville. À peine y étions-nous assis, qu'une nombreuse cavalcade à bethléemite arrive, et demande à m'être présenté. Après les compliments d'usage, ils me disent qu'ils sont députés auprès de moi par la population de Bethléem, pour me prier de faire diminuer l'impôt dont Ibrahim Pacha a frappé leur ville, qu'ils savent, par la renommée et par les Arabes d'Abou Ghosh, leur chef, qu'Ibrahim Pacha est mon ami et ne me refusera certainement pas, si je sollicite son indulgence pour eux. Comme les Arabes bethléémites sont la plus détestable race de ces contrées, toujours en guerre avec leurs voisins, toujours en sonnant le couvent latin de Bethléem, je leur réponds avec gravité, en leur faisant de sévères reproches sur leur rapine, que j'aurai égard à leur requête et que je la présenterai au Pacha, mais à condition qu'ils respecteront les Européens, les pèlerins, et surtout les couvents de Bethléem et du désert de Saint-Jean, et que, s'ils se permettent la moindre violation de domicile à l'égard de ces pauvres religieux, La résolution d'Ibrahim est de les exterminer jusqu'au dernier, ou de les chasser dans les déserts de l'Arabie pétrée. J'ajoute, et ceci semble leur faire une vive impression, que si les forces d'Ibrahim Pacha ne suffisent pas, les pachas de l'Europe sont décidés à venir eux-mêmes, et à les mettre à la raison. En attendant, je les engage à payer le tribut. Depuis ce jour-là jusqu'au jour de mon départ, j'ai eu constamment à ma suite, malgré toutes mes instances pour les congédier, un certain nombre de chèques bédouins de Bethléem, d'Hébron et du désert de Saint-Jean, qui ne cessaient de m'implorer pour la réduction du tribut. Rentré au camp dans la vallée de la piscine de Salomon, sous les murs de Sion, je reçois la visite d'Abou Ghosh, qui vient avec son oncle et son frère s'informer de nos nouvelles. Je lui donne le café et la pipe, et nous causons une heure à la porte de ma tente, assis chacun sous un olivier. Même date. Un courrier de Jaffa m'apporte des lettres d'Europe et de Beyrouth, et me les remet sous les remparts de Jérusalem. Ces lettres me rassurent sur la santé de ma fille, mais comme elle ajoute au bas de la lettre de sa mère qu'elle ne veut pas absolument que j'aille en Égypte en ce moment, je change ma marche, je contremande ma caravane de chameaux à El Arish, et je me détermine à revenir par la côte de Syrie. Nous levons nos tentes, j'envoie un présent de 500 piastres au couvent, en outre de 1500 piastres que j'ai payé pour chapelet, relique, crucifix, etc., et nous prenons de nouveau la route du désert de Saint-Jean. L'aspect général des environs de Jérusalem peut se peindre en peu de mots. Montagnes sans ombre, vallées sans eau, terre sans verdure, rochers sans terreur et sans grandiose, quelques blocs de pierre grise perçant la terre friable et crevassée, de temps en temps un figuier auprès, une gazelle ou un chacal se glissant furtivement entre les brisures de la roche, quelques plants de vigne rampant sur la cendre grise ou rougeâtre du sol. De loin en loin un bouquet de pâles oliviers jetant une petite tache d'ombre sur les flancs escarpés d'une colline. À l'horizon, un térébinthe ou un noir caroubier se détachant triste et seul du bleu du ciel. Les murs et les tours grises des fortifications de la ville apparaissant de loin sur la crête de Sion. Voilà la terre. Un ciel élevé, pur, net, profond, où jamais le moindre nuage ne flotte, et ne se colore de la pourpre du soir et du matin. Du côté de l'Arabie, un large gouffre descendant entre les montagnes noires, et conduisant les regards jusqu'aux flots éblouissants de la mer morte et à l'horizon violet des cimes des montagnes de Moab. Pas un souffle de vent murmurant dans les créneaux ou entre les branches sèches des oliviers. Pas un oiseau chantant ni un grillon criant dans le sillon sans herbe. Un silence complet, éternel, dans la ville, sur les chemins, dans la campagne. Telle était Jérusalem pendant tous les jours que nous passâmes sous ses murailles. Je n'y ai entendu que le hennissement de mes chevaux qui s'impatientaient au soleil, autour de notre camp, et qui creusaient du pied le sol en poussière, et d'heure en heure le chant mélancolique du muezzin criant l'heure du haut des minarets, ou les lamentations cadencées des pleureurs turcs, accompagnant en longue file les pestiférés aux différents cimetières qui entourent les murs. Jérusalem, où l'on veut visiter un sépulcre, est bien elle-même le tombeau d'un peuple, mais tombeau sans cyprès, sans inscription, sans monument, dont on a brisé la pierre, et dont les cendres semblent recouvrir la terre qui l'entoure de deuil, de silence et de stérilité. Nous y jetâmes plusieurs fois nos regards, en la quittant, du haut de chaque colline d'où nous pouvions l'apercevoir encore. Et enfin nous vîmes, pour la dernière fois, la couronne d'olivier qui domine la montagne de ce nom.

Le cheval, la gazelle, je voyais l'oasis dressant ses têtes de palmiers d'un vert jaune au-dessus d'aides d'une immense de sable rouge, les combats des guerriers, et les jeunes beautés arabes enlevées et reprises parmi la mêlée, et reconnaissant leurs aimants dans leur libérateur. Cela me rappelle que j'ai eu toujours plus de plaisir à lire un poète étranger dans une détestable et plate traduction, que dans l'original même. C'est que l'original le plus beau laisse toujours quelque chose à désirer dans l'expression, et que la mauvaise traduction ne fait qu'indiquer la pensée, le motif poétique, que l'imagination, brodant elle-même ce motif avec des paroles qu'elle suppose aussi transparentes que l'idée, jouit d'un plaisir complet qu'elle se crée à elle-même. L'infini étant dans la pensée, elle le suppose dans l'expression. Le plaisir est ainsi infini. Il faut, pour se donner ce plaisir, être jusqu'à un certain point musicien ou poète. Mais qui ne l'est pas ? Antare, à la fois le héros et le poète de l'arabe errant, est peu connu de nous. Nous savons mal son histoire, nous ignorons même la date précise de son existence. Quelques savants prétendent qu'il vivait dans le VIe siècle de notre ère. Les traditions locales reportent sa vie bien plus haut. Antare, selon cette tradition empruntée en partie à son poème, était un esclave nègre qui conquit sa liberté par ses exploits et ses vertus, et obtint sa maîtresse Sabla à force d'amour et d'héroïsme. Le poème d'Antare n'est pas, comme celui de Mer, écrit entièrement en vers. Il est en prose poétique de l'arabe le plus pur et le plus classique, entrecoupé de vers. Ce qu'il y a de singulier dans ce poème, c'est que la partie du récit écrite en prose est infiniment supérieure aux fragments lyriques qui y sont intercalés. La partie poétique y sent la recherche, l'affectation et la manière des littératures en décadence. Rien au contraire n'est plus simple, plus naturel, plus véritablement passionné, que le récitatif. Tout ce que j'ai lu de poésies arabes, antiques ou modernes, participe plus ou moins de cette malheureuse recherche de la poésie d'Antare. Ce sont, sinon des jeux de mots, du moins des jeux d'idées, des jeux d'images, plutôt faits pour amuser l'esprit que pour toucher le cœur. Il faut des siècles à l'art pour arriver à l'expression simple et sublime de la nature. Pour les Arabes, les vers ne sont encore qu'un ingénieux mode de badiner avec leur esprit ou avec leurs sentiments. J'excepte quelques poésies religieuses écrites, il y a environ 30 ans, par un évêque maronite du Mont Liban. J'en rapporte quelques fragments dignes des lieux qui les ont inspirés, et des sujets sacrés auxquels ce pieux cénobite avait exclusivement consacré son mâle génie. Ces poésies religieuses sont plus solennelles et plus intimes qu'aucune de celles que je connaisse en Europe. Il y reste quelque chose de l'accent de Job, de la grandeur de Salomon et de la mélancolie de David. Je regrette qu'un orientaliste exercé ne traduise pas pour nous Antare tout entier. Cela vaudrait mieux qu'un voyage, car rien ne réfléchit autant les mœurs qu'un poème. Cela rajeunirait aussi nos propres inspirations par les couleurs si neuves qu'Antare a puisées dans ses solitudes. Cela serait, de plus, amusant comme l'Arioste, touchant comme le Tasse. Je ne puis douter que la poésie italienne de l'Arioste et du Tasse ne soit sœur des poésies arabes. La même alliance d'idées qui produisit l'Alhambra, Séville, Grenade, et quelques-unes de nos cathédrales, a produit la Jérusalem et les drames charmants du poète de Reggio. Antare est plus intéressant que les Mille et une nuits, parce qu'il est moins merveilleux. Tout l'intérêt est puisé dans le cœur de l'homme et dans les aventures vraies ou vraisemblables du héros et de son amante.